Wesh alors, ça dit quoi? Tranquillement? Pépèrement? Ok. Faux poteau, faux poteau. Vous ferez plus la fête ensemble, non. Vous ferez plus de photos. Faux poteau, faux poteau. Il tendra plus la joue, ça sert à rien que tu le rajoutes. Il donnera plus de rajout. Faux poteau, faux poteau. Il t'estimait, maintenant il te sous-estime. Chacun sa destinée. Faux poteau, faux poteau. Lui qui disait que pour toi il faisait la guerre, maintenant il colle des gens pour te la faire. Faux poteau, faux poteau. Il connaît tes faiblesses parce que tu t'es fié à lui. Mais n'oublie pas que tu connais les siennes. Faux poteau, faux poteau. Vos parents se connaissent. Rester soudé, c'était la promesse. Les faux poteaux, tu les comptes sur tes deux mains. Ce que j'ai à dire, c'est rien de bon. Je trouve des punchlines en fumant le gros pet, allongé dans le bain. Les faux poteaux, ils se souviennent de toi, je crois pas. Il t'a oublié du jour au lendemain. Il t'a pas dit pourquoi, t'es pas devin. C'était comme la famille. Combien de fois il t'a dit je t'aime? Combien de fois tu l'as rendu service? Combien de fois tu l'as dit si t'as besoin, je t'aide? Hein? Tout ça, c'est rien. Tout ce que t'entends, ça te passe même pas. Mais y'en a qui disent des choses. La vérité, ce que t'as fait pour eux, c'est pas sympa. Les faux poteaux. Donnera plus la force, déjà que le peu que t'as, c'est ce qu'il t'a donné. Maintenant tu parles mal, faut pas déconner. Faut qu'il arrête de tourner. Ça fait combien que tu le connais? Vous avez traîné ensemble, t'as vu comment il fonctionnait? Envie de te barrer tellement que t'es déçu. Les ragots, les rumeurs, tu rigoles quand tu tombes dessus. Parce que t'es au-dessus. Faux poteau, faux poteau. Vous ferez plus la fête ensemble, non. Vous ferez plus de photos. Faux poteau, faux poteau. Il tendra plus la joue, ça sert à rien que tu le rajoutes. Il donnera plus de rajout. Faux poteau, faux poteau. Il t'estimait, maintenant il te sous-estime. Chacun sa destinée. Faux poteau, faux poteau. Lui qui disait que pour toi il faisait la guerre, maintenant il colle des gens pour te la faire. Faux poteau, faux poteau. Il connaît tes faiblesses parce que tu t'es fié à lui. Mais n'oublie pas que tu connais les siennes. Faux poteau, faux poteau. Vos parents se connaissent. Rester soudé, c'était la promesse. Tu niqueras pas ta vie pour un faux poteau. Loin de toi les faux poteaux. D'ailleurs tu as effacé les photos. Tu seras tout seul sur la moto. Tu fumeras tout seul sur la photo. Tu vendras tout seul dans l'auto. Vous verrez qu'ils sont fantômes. Trop de gadgets matérialistes, raconte tout comme des journalistes qui me critiquent et me salissent. Ceux-là sont rayés de ma liste. Faux poteau l'engraine comme toi quand vous êtes en dispute. Il croit parce qu'il s'est fait sa version et il fait le gentil quand il discute. Tarpin culotté, mérite des caloteuses. Fait passer pour un méchant pour entrer dans la légende. Mentalité d'enculé, des gens qu'il faut plus calculer. C'est des gens qui ont le culot de dire que c'est toi l'enculé. Touche famille, ça te localise avec la géo. Ça passera inaperçu sous intégral en scarabéo. Faux poteau, t'as laissé. Faux poteau, t'as blessé. Faux poteau voudrait la même que ta femme. Faux poteau, faux poteau. Vous ferez plus la fête ensemble, non. Vous ferez plus de photos. Faux poteau, faux poteau. Il tendra plus la joue, ça sert à rien que tu le rajoutes. Il donnera plus de rajout. Faux poteau, faux poteau. Il t'estimait, maintenant il te sous-estime. Chacun sa destinée. Faux poteau, faux poteau. Lui qui disait que pour toi il faisait la guerre, maintenant il colle des gens pour te la faire. Faux poteau, faux poteau. Il connaît tes faiblesses parce que tu t'es fié à lui. Mais n'oublie pas que tu connais les siennes. Faux poteau, faux poteau. Vos parents se connaissent. Rester soudé, c'était la promesse. C'était la promesse. C'était la promesse. Fais semblant d'être peiné aux épreuves que tu surmontes. Il t'appelle par ton surnom. Il dit mon frère, c'est pour mieux te la mettre sûrement. Moi j'écoute même plus ce qu'on dit sûrement. Faux poteau, te laisse tomber car y'a rien à manger. On fera comme sirène si t'es passé. On se regardera comme des étrangers. Joe.